Chapitre 11 De la culture après la destruction de l'esclavage. Il faut considérer ici séparément la culture par les nègres libres et la culture par les blancs libres. En effet, il y aura nécessairement dans chaque colonie, pendant les premiers temps, deux peuples dont la nourriture, les habitudes et les mœurs seront différentes. Au bout de quelques générations, à la vérité, les Noirs se confondront absolument avec les Blancs et il n'y aura plus de différence que pour la couleur. Le mélange des races fera ensuite disparaître à la longue même cette dernière différence. Les nègres esclaves tirent en général la plus forte partie de leur nourriture de terrain qu'on leur abandonne pour les cultiver. La même quantité de terrain les nourrirait libres comme esclaves. On fournit, de plus, aux nègres esclaves quelques aliments tirés du dehors, quelques vêtements, et le terrain où il se construit une chaumière. Il faudrait que le nègre libre pût, sur son salaire, se procurer un équivalent. Le nègre esclave a coûté à son maître le prix de sa valeur, le nègre libre ne lui a rien coûté, mais il faut que son salaire soit suffisant pour entretenir sa famille. Ces deux objets peuvent se compenser. En effet, dans l'ordre naturel, un homme et une femme produisent un garçon et une fille. Or, la somme que coûte la nourriture d'un garçon et d'une fille, jusqu'au temps où ils peuvent gagner leur subsistance par le travail, jointe à ce qu'a pu coûter la nourriture des enfants de la même famille qui sont morts en bas âge, doit être égale ou inférieure à la somme que coûte un nègre ou une négresse, sans quoi il y aurait plus d'avantages à acheter des nègres qu'à en élever, ce qui n'est pas. S'il faut que le nègre libre gagne de quoi secourir ses parents dans la vieillesse ou épargner une ressource pour la sienne, il faut que le maître nourrisse le vieux nègre. La culture par les nègres libres n'est donc pas nécessairement plus chère que par des esclaves. Elle ne l'est, comme nous l'avons dit, que parce que le partage du produit brut se fait dans l'état de liberté en vertu d'une convention libre et dans l'esclavage au gré de l'avarice du maître. Que dans l'état de liberté, c'est la concurrence réciproque des travailleurs et des propriétaires qui fixe le prix des salaires et non le calcul que fait l'avidité de l'état de détresse où l'on peut réduire un homme sans diminuer en plus grande proportion la quantité de travail qu'on peut obtenir de lui à coups de fouet. Mais il ne faut pas s'imaginer que la différence de prix entre les deux cultures soit aussi grande qu'on le croirait d'abord. Premièrement, les terres abandonnées aux nègres pour leur nourriture sont mal cultivées, et elles le seraient mieux si elles leur étaient affermées comme à des colons libres. Deuxièmement, la manière d'exploiter les terres changerait à l'avantage du propriétaire, il ne serait plus obligé de faire valoir par lui-même. Les dépenses de la fabrique du sucre, les embarras de la vente, les avaries ne serait plus supporté directement par lui, mais par des fermiers, des manufacturiers, des commerçants, pour qui les dépenses de ce genre sont toujours bien moins considérables et qui laisseraient au propriétaire une partie de ce qu'il gagnerait sur ces objets. Dans ce système d'exploitation, il y aurait des hommes intéressés à perfectionner la culture, la fabrication des denrées, et le profit qui résulterait du progrès de ces arts finirait toujours par produire une augmentation de revenus pour le propriétaire. Troisièmement, les habitations seraient partageables, elles pourraient être affermées ou aliénées par partie, leur propriété pourrait devenir le gage des créanciers, et ce changement serait à la fois un très grand bien pour les familles des colons et la source d'un meilleur emploi des terrains. Ces avantages seraient lents, mais en suivant la marche lente d'affranchissement que nous avons proposée, les pertes des propriétaires seraient aussi successives, et cette perte serait moindre qu'ils ne le croiraient. La plupart des nègres affranchis se loueraient à bon marché, parce que la plupart ne pourraient être employés à autre chose qu'à la culture, et que tous, pouvant y être employés, ils seraient toujours, dans le cas, des simples journaliers, dont partout le salaire, pour cette même raison, ne peut s'élever au-dessus de ce qu'exige le simple nécessaire. D'ailleurs, d'après des calculs qui nous ont été communiqués par un homme exact, nous avons jugé que la valeur des nègres employés sur une habitation est à peu près égale au tiers du prix de cette habitation. Supposons donc que l'effet de notre législation soit de diminuer d'un tiers le revenu du maître. Elle ne le diminuera que de la valeur des nègres, c'est-à-dire de la valeur en argent du tort qu'il leur a fait en les privant de leur liberté. Il ne sera donc privé que de ce qu'il a usurpé par un crime. Il n'aura réellement rien perdu et par conséquent, si la perte reste au-dessous du tiers, le colon aura réellement gagné au changement d'administration. Quant à la culture par les Blancs, premièrement, les colons pourraient établir sur leurs habitations des familles blanches moyennant des engagements semblables à ceux qui se font dans les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale. Deuxièmement, les gouvernements à qui il reste encore dans les îles françaises et espagnoles des terrains dont ils peuvent disposer pourraient y établir des familles de blancs en divisant les terrains en petites propriétés. Dans les premiers temps, il serait nécessaire, pour les travaux sur le sucre ou l'indigo, de s'arranger avec un négociant pour l'établissement d'un moulin ou d'une indigoterie publique. Troisièmement, en France, on pourrait permettre aux protestants d'acquérir des habitations avec la liberté de l'exercice public de leur religion dans chaque habitation ou canton formé de plusieurs habitations qui occuperait 100 hommes, à la condition que ces 100 hommes, blancs ou noirs, seraient libres. On pourrait permettre aux juifs, aux mêmes conditions, d'acquérir des habitations et d'y faire les cérémonies de leur culte. Les Anglais et les Hollandais pourraient accorder aux juifs les mêmes avantages. Les îles anègres d'Amérique ou d'Afrique étant alors un seul pays soumis à un gouvernement modéré où un juif put avoir une vraie propriété territoriale, cette offre pourrait les séduire. La condition de ne cultiver que par des hommes libres ne les effraierait pas parce qu'il se trouve parmi eux un grand nombre d'individus pauvres et laborieux, qu'ils sont naturellement sobres et économes et qu'il ne serait pas difficile à des juifs riches d'établir des peuplades sur des terres divisées entre des familles auxquelles ils avanceraient les premiers frais de culture et de transport et avec lesquelles ils partageraient le produit. On pourrait même, pour augmenter la facilité, ne les obliger qu'à affranchir chaque année le sixième des esclaves perpétuels ou pour un temps qu'ils trouveraient dans une habitation déjà établie. On entendrait par là le sixième du nombre des nègres ou négresses en état de travailler qui se trouveraient la première année dans l'habitation, chaque famille emmenant avec elle ses enfants au-dessous de 15 ans. Par ce moyen, l'affranchissement serait encore très prompt et, en même temps, on donnerait aux propriétaires un grand intérêt de conserver les nègres, puisque la totalité des morts serait en pure perte pour lui. Ces derniers moyens manqueraient à l'Espagne, mais l'Espagne ne peut avoir ni lumière, ni richesse, ni population, ni puissance, tant qu'elle n'aura pas brisé les fers honteux où l'Inquisition y retient la raison et l'humanité. La position de l'Espagne, l'étendue et la nature de son sol, la finesse et l'élévation d'esprit, la force et la grandeur d'âme, qualité naturelle à ses habitants, en auraient dû faire une des premières nations du globe. Mais quel espoir reste-t-il à ce peuple infortuné, chez qui le restaurateur d'une province est condamné juridiquement à demander pardon aux moines du bien qu'il a fait aux hommes, où toute vertu publique est dangereuse, où il n'y a de sûreté que pour ceux qui s'agenouillent devant un capuchon, à moins qu'ils ne prennent l'emploi d'espions et de satellites du Saint-Office, où cet infâme métier ne déshonore plus, où les généraux d'armée, les commandants des flottes, n'osent lire dans leur tente ou sur leur bord que les livres qu'il plaît à leur aumônier de leur laisser, où les soldats, les officiers, au lieu de féliciter ceux qui ont obtenu la gloire de mourir pour la patrie, s'occupent du risque qu'ils ont couru en mourant sans confession. Qu'espérer pour une nation réduite à cet état et séduite par les moines, au point de conserver encore son orgueil et de ne sentir ni son avilissement, ni ses malheurs. Heureuse l'Espagne et l'Europe entière, si Charles Quint, au lieu d'écouter la fausse politique qui lui conseilla de troubler l'Europe pour des querelles religieuses, en le flattant d'élever par là la puissance sur les débris de ses voisins, il eût pris pour guide une raison plus éclairée, une politique plus saine, s'il n'eût vu dans Luther et ses disciples que des réformateurs de l'Église occupés d'en purger le dogme, d'en corriger les abus et d'en arrêter les usurpations. Des hommes, en un mot, dont, pour le bonheur des peuples, comme pour l'intérêt des souverains, les nations et les rois devaient se faire un devoir de diriger le zèle et de seconder le courage. On ne peut nier que les premiers réformateurs n'aient conservé, en grande partie, l'esprit fanatique et persécuteur de l'Église romaine. L'assassinat juridique de Servet, machinée de sang-froid par Calvin, l'apologie que Bèze en publia dans le temps même où la France était couverte d'échafauds dressés pour les calvinistes, les supplices préparés en Angleterre aux antitrinitaires, tous ces crimes ont déshonoré la naissance de la Réformation. Mais il ne faut pas oublier que ce Luther, si violent dans ses écrits, si emporté dans sa conduite, ne persécuta personne. Que Mélenchon prêcha la tolérance et la paix, que Zwingli, qui mourut en combattant pour son pays, eut le courage de s'élever publiquement dans ses sermons contre cet indigne usage, si ancien parmi nos compatriotes, de vendre leur sang pour des querelles étrangères.